que toute l'équipe de Blockbuster. Merci pour cette deuxième année de Blockbuster. Mais pourquoi l'émission elle dure pas tout l'été et pourquoi elle dure pas pendant l'année? C'était un vrai bonheur. C'est tout. C'était Christine à Londres. Je vous appelle parce que je suis consterné par le niveau de votre émission. J'ai écouté là récemment en podcast l'épisode sur Tolkien. Mes oreilles ont saigné quand votre soi-disant expert s'est mis à parler le Quenya. Je ne sais pas comment vos auditeurs ont pu comprendre un traître mot de ce qu'il racontait, tellement c'était mal prononcé. Un peu plus de sérieux, on est quand même sur France Inter. Voilà. Oui, Blockbuster, écoutez, c'était super. J'ai adoré, j'ai découvert, j'ai suivi tout le monde, j'ai adoré. Promettez-moi d'être l'année prochaine. I'll be back. Et je vous rappelle qu'on ne dit pas Stephen King, mais bien Stephen King. Merci. Ouais, salut Fred, salut toute l'équipe. Trop ravi de vous retrouver ce lundi. J'ai trop, trop hâte. Allez, vite, qu'on s'entende ça et qu'on se forme bien la poire. Ouais, de base, je voulais juste en fait avertir toute l'équipe de ces missions que si je perds quelques semaines de ma vie, comme j'ai pu perdre 6 ans de mon existence à regarder Lost, avec son final évidemment lamentable, je n'hésiterai pas à la fin de ces quelques semaines à pourrir les boîtes mail, les Twitter, les Facebook de l'animateur pour dire à quel point je serai déçu. Vous êtes au courant. Voilà. Puisqu'il sera question de cette série apparemment dans les semaines qui vont venir. Je pense qu'on va rire. Allez, bisous quand même. Hein. To be or not to be, not to be. Et 2, 3, c'est l'épisode 3 de Blockbuster. Alors dans le numéro 3 d'une trilogie, il y a souvent des réussites. Par exemple, il y a le parrain numéro 3 qui est très très bien. Et puis il y a aussi le parrain numéro 3. Et enfin bref, des fois il y a des réussites dans les numéros 3, mais il y a aussi et surtout des échecs comme Superman 3, Terminator 3 ou Les Visiteurs 2 qui étaient tellement mauvais qu'on aurait pu penser que c'était un 3. Donc comment éviter le syndrome du troisième opus moins bon que les autres? Eh bien je dirais tout simplement en sautant directement au 4. Donc on n'a qu'à faire ça. Voilà donc la quatrième saison de Blockbuster, ce qui n'est pas totalement faux hein, vu que les saisons précédentes duraient un mois alors que celle-ci durera 2 mois. Donc l'équivalent de 2 saisons, le compte est bon, c'est la quatrième saison de Blockbuster. Et je suis toujours ravi de vous retrouver pour vous parler non pas des films ou des séries à voir, mais des séries ou des films que vous avez vus. Dans cette émission, une fois de plus, vous n'entendrez pas d'acteurs, je vous le promets, en promo, dire qu'ils ont avant tout été séduits par le scénario, que l'ambiance sur le tournage était formidable et que le metteur en scène savait précisément ce qu'il voulait. Hein, ce qui est tout de même beaucoup moins drôle qu'un acteur qui dirait qu'il a accepté le rôle pour l'argent et que l'ambiance était détestable sur le plateau parce que le metteur en scène est un tyran en plus d'être un pervers. Mais voilà, c'est comme ça, les acteurs ils disent pas souvent ça parce que tout le monde ne peut pas tourner avec Abdelatif Kechiche. Non, dans Blockbuster, quatrième saison, vous n'entendrez que des inconnus passionnés. Parce que j'ai remarqué un truc, souvent les passionnés sont passionnants. Cinéma, séries, musique, jeux vidéo, littérature, on parlera de tout ce qui cartonne au-delà du raisonnable. Parce que même s'il est de bon ton de se répéter, bah, c'est pas parce que ça marche que c'est bien, peut-être est-il intéressant de constater que derrière certains blockbusters au succès colossal, il y a des fois un travail qui va au-delà des recettes marketing. Bon. On se détend, on prend une grande rasade de thé vert, parce que rappelons-le, en période de canicule, il vaut mieux boire chaud. Blockbuster épisode 4, c'est parti. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète. Avoir du succès, c'est bien. Avoir du talent, c'est mieux. Réussir à avoir les deux, c'est rare. Il est un réalisateur à la personnalité forte, à l'imaginaire riche et à la filmographie singulière qui a réussi durant des années à naviguer entre les eaux troubles et mouvementées du film d'auteur et du blockbuster grand public. Son nom, Tim Burton. Les cheveux ébouriffés, le regard d'un enfant toujours un peu surpris d'être dans un corps d'adulte, Tim Burton semble être né dans un de ses films. Il est Edouard Romain d'Argent, il est Lydia dans Beetlejuice, il est le cavalier sans tête ou Ichabod Crane dans Sleepy Hollow. Tim Burton a émietté son âme dans toute sa filmographie. Pour parler de ce réalisateur qui a produit et réalisé certains des plans les plus poétiques et oniriques de ces 30 dernières années, j'ai à mes côtés Océane Zerbini. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes spécialiste pop culture et comics, créatrice du podcast The Lemon Adaptation Club et rédactrice pour le site Les Chroniques de Cliffhanger & Co. C'est bien ça. Avec nous également Antoine Debecq, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien et critique de cinéma, auteur du livre Tim Burton paru chez les Cahiers du Cinéma. Absolument. Avec nous également Jean-Baptiste Toussaint, vidéaste, fondateur de la chaîne YouTube Tales from the Crypt. Tales from the Click. C'est ça. Dire. Oui, c'est Tales from the Click. Voilà, faut aller sur le site directement, c'est mieux. C'est ça. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, et je dois dire que maintenant j'ai la pression, j'ai peur d'être un soi-disant expert. C'est la parce que j'ai écouté tout à l'heure ce que l'équipe disait. Voilà. C'est la pression qui est soi-disant expert ici. On va y arriver. Et également Dedo, humoriste, co-créateur de l'émission L'Histoire racontée par les chaussettes, chanteur du groupe Princesse Leia, Tous les talents, et puis un ami proche. Bonjour Dedo. Bonjour et Tous les talents, en tout cas pas autant que le tien pour cette imitation de Fanny Ardant qui était incroyable en tout début d'émission. Ah, formidable, parce que j'adore Fanny. J'étais vraiment dans le studio. Alors ensemble, on retracera le parcours de Tim Burton, de ses débuts en tant qu'animateur chez Disney, à réalisateur de films à succès. On tentera de saisir ce qui a fait de ce réalisateur un metteur en image exceptionnel. On reviendra sur son univers, ses obsessions, sa collaboration avec ses acteurs fétiches, Johnny Depp, Michael Keaton, Helena Bonham Carter. On reviendra sur tout ce qui fait l'univers Tim Burton, mais on verra également comment, aussi original soit-il, Tim Burton s'est tout de même souvent cassé les dents sur le système hollywoodien tel qu'on le connaît. Allez, blockbuster spécial Tim Burton, c'est parti. Ça me donne envie de vous embrasser. Viens. Ok, on va parler boulot. Alors, attendez, où est-ce que j'ai foutu ma carte? Voilà, faut que je tue quelqu'un. Tiens-moi ça, toi. Là, voilà ma carte. Non, vous n'aurez pas besoin de tuer quelqu'un. C'est une possession, je le savais. Semez la mort, jetez des sorts, envoûtez les copains. Du calme, on veut juste chasser une famille de dingues hors de notre maison. Je sais ce que c'est. Écoutez, avant de faire ça, il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux, je crois. Faut qu'on devienne acolyte, un peu plus d'intimité à trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ma femme et moi, on aurait quelques questions à vous poser. Oui, mais vas-y, mon petit gars, accouche. Voilà, quelles sont vos qualifications? Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard, et après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire, et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette, ce film, nom de Dieu! Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort. Alors, ça vous va? J'ai les qualifications. C'était bien évidemment Michael Keaton incarnant Beetlejuice dans Beetlejuice, le film réalisé par Tim Burton. Justement, Tim Burton, on est là pour en parler. Antoine Debecq, qui est Tim Burton, s'il vous plaît? Pas facile. Vous l'avez bien décrit tout à l'heure, c'est d'abord une figure, une forme, je dirais. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a vieilli, bien sûr, hein, comme tout le monde, puisqu'il est né il y a plus de 60 ans maintenant. Il a gardé cette apparence, je dirais, qui est toujours la même, qui s'est fabriquée très tôt, hein, adolescent, avec cette espèce de nid de poule sur la tête. C'était quel genre d'enfant? C'était un enfant, comme il y en a beaucoup dans les banlieues américaines, hein. Il est né à Burbank, qui est dans la banlieue de Los Angeles, où avec ses banlieues de pavillonnaires, où s'étend à l'infini une sorte de confort un peu ennuyeux. Très tôt, le petit Burton s'est réfugié dans un monde personnel, qui était un monde fait de dessins, d'imagination, de vision aussi, hein, de beaucoup de films d'horreur, de films. Quel genre de film? Burton a été nourri par tout ce qui est le cinéma fantastique, le cinéma de série B, l'horreur américaine ou anglaise, hein, des studios Hammer, voilà tout. Et puis à la télévision américaine, il passait beaucoup de ce genre de séries qui étaient des séries fantastiques ou des séries d'effroi, hein. Donc Burton s'est nourri de ça. Ce qui est beau, c'est que il en a fait quelque chose qui est à la fois très très personnel et en même temps qui le suit toute sa vie, c'est-à-dire que il y a des créatures qu'il a pu dessiner adolescent et qu'on retrouve 30, 40, 50 ans plus tard dans ses films. Toutes les Burton est un créateur de masques, hein, de créatures, de monstres, et c'est vrai que on voit cette continuité. Ça a été très bien montré. Il y a eu une grande exposition au MoMA, puis qui est venue à la Cinémathèque française, hein, qui a consacré Burton comme un artiste, plus autant qu'un cinéaste en fait, hein, et où on voyait la continuité d'inspiration de dessins qui pouvaient venir de très très loin. Et Jean-Baptiste Toussaint, je sais que le père de Tim Burton travaillait dans une fête foraine, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que Tim Burton est devenu Tim Burton enfant. Déjà. Il a été beaucoup influencé par les films de Corman, surtout Ray Harryhausen aussi. Mmh. Et ça se retrouve un peu dans son cinéma, dans le modélisme Ray Harryhausen, qui était également concepteur d'effets spéciaux, qui a fait Jason et les Argonautes. Exactement. Qui a inventé la stop motion, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, le choc des Titans également. Ouais. Exactement. Mmh. Et voilà, il y a toute une sorte enfin, il y a une sorte de légende autour de Tim Burton quand il était petit. J'avais lu quelque part que des rumeurs disaient que ses parents avaient barricadé ses fenêtres quand il était petit, parce qu'ils avaient été influencés par le fameux rapt de l'enfant de Lindbergh. Donc il a grandi dans une sorte comme ça d'ambiance qu'on pourrait retrouver dans ses films. Par exemple, il terrorisait son petit copain voisin en lui disant que les extraterrestres allaient débarquer sur Terre parce qu'il s'inspirait des cartes Tops Mars Attack qui se vendaient à l'époque. Donc voilà, j'ai l'impression que Tim Burton, il a créé un peu son personnage et sa légende quand il était petit. Alors il a aussi comme influence, il a cité Edgar Allan Poe. Exactement. Également, d'ailleurs, qu'il cite énormément dans Vincent, un de ses premiers courts-métrages. Ouais, son premier court-métrage qui avait été en partie, enfin pas vraiment commandé, mais Disney lui avait offert 60 000 dollars pour qu'il réalise deux courts-métrages, donc Vincent et Frankenweenie. Et d'ailleurs, Vincent Price avait participé à son court-métrage Vincent. Ces deux courts-métrages avaient été, entre guillemets, désapprouvés par Disney parce qu'il les trouvait trop ternes et trop dark pour le jeune public. Océane Zerbini et Dedo, vous avez découvert Tim Burton à quel moment ? Ben moi, c'est simple. C'était dans le programme télé de mes parents, une photo de Mars Attacks. J'ai vu la photo des aliens, j'ai hurlé et j'ai jeté le programme télé à l'autre bout de la pièce tellement j'étais terrorisée. Donc ça n'a pas été évident au début. Ensuite, après, j'ai vraiment le souvenir de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui. Et des Batman aussi. Dedo ? Moi, c'était Beetlejuice. Beetlejuice, qui a ensuite déclenché mon amour total pour Winona Ryder. Et, amour qui ne s'est pas démenti. Jamais. Jusqu'à Stranger Things, malgré le fait qu'elle surjoue un petit peu. Mais c'est une autre histoire. Mais elle surjoue bien. Elle surjoue tellement bien, elle est magnifique. Non, mais moi j'ai toujours été le premier choc cinématographique que j'ai eu, c'était à 9 ans avec Freaks de Browning. Donc l'amour des monstres est né de cette alchimie-là. Donc forcément Beetlejuice, je m'y suis retrouvé. Et puis étant moi-même ado très fan de Cure, je me suis retrouvé dans le personnage de Tim Burton. Et ses influences artistiques de la même manière. Et après, toute sa filmographie. Même si j'ai pour ma part en tout cas, j'ai vraiment senti une césure à partir de La Planète des Singes sur sa deuxième partie de carrière. Oui, on va en parler. Et voilà, qui me touche moins, qui correspond aussi au moment où il a commencé à avoir des enfants. Je sais pas si ça joue. Oui, c'est possible. Mais je pense. Voilà. Alors, on va continuer d'évoquer Tim Burton, mais pour le moment, on va écouter un morceau que les fans de Beetlejuice reconnaîtront immédiatement. C'est Deho d'Harry Belafonte. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink of rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we wonder. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we wonder. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Is a day, oh. Daylight come and we one go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and we one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we one go home. Deo, deo, daylight come and me one go home. De, misette, misette, misette, misette, misette. C'était Deho de Harry Belafonte dans Blockbuster sur France Inter. Oliver. Oh, et je vois une robe d'argent qui commence à sortir. On dirait une grande langue. Oh. Alors, encore un moment, ça va aller. Salut, salut, salut, salut, salutations. Je suis l'ambassadeur de Mars. Salutations. Je suis le général Kazé. Et je suis le chef d'état-major des forces armées des États-Unis d'Amérique. Je vous souhaite, au nom des peuples de la Terre, la bienvenue. Qu'est-ce qu'il est bien? Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Les Martiens sont pacifiques. Mars Attacks avec ses martiens pas si gentils que ça. On est loin de E.T. Alors, nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Toussaint, Océane Zerbini, Dedo et Antoine Debecq pour parler de Tim Burton. Et on l'a évoqué avant la première chanson. Tim Burton a fait un passage chez Disney. Antoine Debecq, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Bah, c'est pas facile pour des parents d'être devant un adolescent qui comprennent pas beaucoup. Qui voit peu. D'être un parent, en fait. Voilà, d'être un parent en général. Et d'être le parent du petit Tim Burton, ça devait pas être facile. Mais il a trouvé une bourse dans une école très réputée, en fait, en Californie, qui s'appelle Cal Arts, qui forme beaucoup de graphistes et d'animateurs. Et en sortant de Cal Arts avait une sorte de partenariat avec Disney. Donc, assez naturellement, 2-3 ans plus tard, il se retrouve chez Disney et il va se mettre à travailler pour Disney. Alors Disney, c'est à la fois, pour Burton, c'est la maison d'à côté, puisqu'il a grandi à quelques centaines de mètres du parc d'attractions de Burbank, hein. Donc c'est, et en même temps c'est aussi la maison d'à côté, au sens c'est ce qu'il déteste aussi, quoi. Donc et c'est vrai que l'expérience de Burton du tout jeune Burton chez Disney va être assez compliquée quand il se retrouve à faire les créatures très mignonnes de Rox et Rookie, par exemple. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il a énormément dépris. Mais il était à la fois en formation, donc il évidemment il choisit pas ce qu'il fait, et en même temps il était contraint d'animer et de partager, de faire vivre, de faire exister le système qu'il a toujours rejeté, en fait. Donc c'était quelque chose de très compliqué, tu vois, très très déprimé. Il sortait de cette expérience très déprimé. Ouais. D'autant que c'est une période de transition pour le studio Disney, parce que il y a ceux qui ont connu Walt Disney qui veulent toujours continuer à poursuivre son œuvre telle qu'elle a été conçue, et t'as une nouvelle génération d'animateurs qui eux ont envie un petit peu de dépoussiérer tout ce qui a été fait et d'aller vers peut-être une nouvelle forme de noirceur. On évoquait avec Dedo pendant la chanson Taram et le chaudron magique, auquel Burton a aussi participé. Ça l'intéressait sûrement plus parce que c'est un film d'animation qui a d'ailleurs été un gros échec, hein, chez Disney, parce que justement c'était un peu sombre, et donc c'est vrai que voilà, Burton aurait pu arriver à un moment, et c'est ce qu'il a pu faire puisque ses premiers films personnels sont financés par Disney, mais en même temps d'une certaine façon ça allait trop loin en même temps, voilà, c'est compliqué parce que il est à la fois dans le système, et bon, ça va être toujours à la fois la ressource et le problème de Tim Burton, hein, comment être dans ce système américain tout en faisant une œuvre personnelle, et il est confronté à cela dès sa jeunesse, et c'est vrai que cette idée que Burton dans son enfance, dans sa jeunesse, a été tout de suite lui-même. Et ensuite, son grand souci, sa grande force et aussi son grand problème, c'est d'être fidèle à quelque chose qui vient et de l'enfance et de la jeunesse. Et tout de suite après vient Pee-wee, Big Adventure, Jean-Baptiste Toussaint. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quoi ça parlait ce film, avec Paul Rubens, je crois, qui jouait le rôle de Pee-wee. Exactement. Alors juste pour revenir, en fait, il quitte Disney. Comme vous l'avez dit, un peu déprimé après l'expérience Roxy Rookie et Taram. Et faut savoir qu'avant Pee-wee, il a failli réaliser le film After Hours, film qui a été réalisé par Martin Scorsese. Donc il avait commencé à travailler dessus avec Warner. Sauf que Scorsese, lui, entre-temps, il a appris que ce film allait se faire. Il voulait faire ce film depuis très longtemps. Du coup, il s'est mis comme ça un peu dans le projet. Et en gros, Burton, qui lui n'avait aucune expérience, a dit bon voilà, par respect, je le laisse à Scorsese ce film. Donc il s'est retrouvé avec Pee-wee encore chez Warner. Pee-wee, c'était à l'époque une émission de télé qui fonctionnait bien chez les enfants. Et en gros, la chance qu'il a eu Burton à ce moment-là, c'est qu'il a réalisé ce film sans aucune pression. Parce que dans le même laps de temps, Warner Bros. Réalisait les Goonies et la priorité était pour les Goonies. Donc en gros, il a joui d'une liberté assez rare pour un jeune réalisateur. Et du coup, ça lui a permis de réaliser Pee-wee sans pression. Pee-wee, avec le temps, c'est devenu un film culte. Les Goonies aussi. Donc, Paul Rubens, un peu moins, parce qu'il y a eu des petits problèmes de pédophilie. Oui. Un petit peu. Oui. Mais le personnage de Pee-wee aujourd'hui est souvent repris, et ses répliques cultes surtout. Oui, voilà. Paul Rubens, qu'on a ensuite retrouvé en vampire dans le premier film qui traitait de Buffy, aux côtés de Rutger Hauer qui jouait un vampire. Voilà, c'est un film à revoir juste si on veut compléter la mythologie geek de Buffy contre les vampires, mais pas forcément parce que c'est un bon film. Mmh. Et alors après Pee-wee, évidemment, durant Pee-wee, c'est aussi la rencontre avec Danny Elfman. Océane Zerbini, on ne peut pas parler Tim Burton sans parler Danny Elfman. Effectivement, c'est un des plus grands duos de l'histoire du cinéma. Désormais, à quelques exceptions près, comme Howard Shore sur Ed Wood, Danny Elfman a vraiment accompagné Burton sur tous ses films. Et on retient aujourd'hui évidemment les thèmes de D'or aux mains d'argent, on retient Batman. La liste est très longue et c'est vrai que c'est dommage de voir au fur et à mesure des années leur collaboration reprendre vraiment à chaque fois les mêmes thèmes. Et c'est vrai que la bande originale d'Adumbo, par exemple, n'a pas forcément la même force que celle d'un Batman ou même tout simplement de Mars Attacks. Danny Elfman, qui, je le précise, est l'auteur du générique des Simpsons. Des Simpsons aussi. Et Danny Elfman, qui est qui vient d'une sorte d'underground à Los Angeles, du punk, ouais. Le groupe Oingo Boingo, je le dis sûrement très mal. Non, c'est ça. Et ça c'est aussi important pour Burton, c'est-à-dire il a des grandes fidélités effectivement avec certains acteurs, certains collaborateurs, mais c'est toujours des gens qui viennent de son univers à lui d'une certaine façon, et qui va accompagner les marginaux. Des marginaux, des gens qui qui sont décalés par rapport à effectivement aux attentes sociales et puis aux attentes de même du système hollywoodien. Mais Hollywood, tout ça est fait aussi de ça, c'est d'être nourri par cette marge que le système produit. Alors cet été, Prudence Castelot et Chloé Brassière de la team Blockbuster iront tous les jours à la rencontre des gens qui se promènent dans les rues de Paris et pas beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas le budget pour les envoyer ailleurs, pour leur demander ce que le sujet de l'émission leur évoque. Alors aujourd'hui, vous allez voir, Tim Burton, ça parle pas forcément à tout le monde. C'est un cinéaste qui a fait des films avec des personnages assez fantasques et il est vraiment génial. Son nom évoque quelque chose. Oui. Un style capillaire déjà. Alors Tim Burton, comment ça s'appelle? Aux mains d'argent, mais alors le Edouard aux mains d'argent. Donc c'était des films un peu fantastiques, un peu. Hein. C'est dans la mouvance de Lewis Carroll, c'est dans le fantastique. Chacun peut y trouver ce qu'il veut. J'aime beaucoup son côté enfant parce qu'en fait, c'est un grand garçon qui a évolué dans son monde irréel et dans le fantasque. Oui, bien sûr. Tim Burton, oui, c'est un cinéaste. Et quoi, aux mains d'argent, il y a des passages un peu plus hard, mais bon, c'est un peu féerique. Moi, j'aime bien quand c'est un peu féerique. Et je suis en train de revoir les films, Alice au Pays des Merveilles... J'accroche pas, hein. C'est les doigts d'argent là, non, j'accroche pas trop. Ah, des Warhol à l'argent, bon, oui, Tim Burton, on cherche ou on cherche pas, on est à la surface des choses où on va creuser, et quand il y a quelques petites références dans votre tête, ça fait référence à ce que vous avez dans la tête. Je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour. C'est-à-dire, on commence aujourd'hui avec Tim Burton. Alors, on voit que y a des films qui restent dans l'inconscient collectif. Edouard aux mains d'argent fait partie. Mais je serais tenté de dire que l'âge d'or de Tim Burton commence quand même avec, évidemment, Beetlejuice. Et là, j'ai envie de lancer des dos sur le sujet. Oui, bah parce que je pense que c'est un projet qui lui était cher, en tout cas dans ce que ça évoque ensuite à l'écran, et que ça a lancé quelque chose après dans sa carrière qui n'a fait qu'augmenter pour moi jusqu'à donc à la planète des singes. Mais Batman et Batman le défi, qui pour moi, on parlait du fait de rentrer dans le système hollywoodien et de garder une patte d'auteur, en est l'incarnation totale pour Batman le défi en tout cas, parce que c'est un blockbuster total, mais qui a une vraie identité et qui correspond totalement à ce que peut être Tim Burton. Donc après, et puis tous les autres qui ont suivi, donc Ed Wood. Mais ce qu'on dit pas assez pour pas tomber dans les poncifs, de mon point de vue, c'est que le cinéma de Tim Burton est avant tout un cinéma qui parle de mutation, qu'elle soit physique ou psychologique, même en sous-texte, dans le sens où par exemple Lydia dans Beetlejuice est une adolescente qui est la période charnière de la mutation chez l'être humain. Ed Wood lui-même est dans la mutation avec son travestissement. La banlieue qui évolue dans Edouard aux mains d'argent, la banlieue américaine, est une banlieue qui va évoluer vers autre chose aussi. Donc il y a quelque chose de la mutation qui est très présent. Et Beetlejuice est lui-même polymorphe, peut changer d'apparence comme il veut. Complètement. Et puis, ouais. Et d'ailleurs, à propos d'acteurs polymorphes, c'est aussi la découverte d'un acteur, je trouve, dont on ne parle pas assez, Michael Keaton, qui incarnera ensuite Batman au grand dam d'énormément de fans, comme quoi le casting de Batman qui pose problème, ça n'est pas nouveau. mais oui, c'est l'incarnation de Michael Keaton dans Beetlejuice est incroyable. Oui, c'est Michael Keaton, c'est une sorte de génie de transformisme, justement, qui... avec un corps de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, est capable de partir vers des délires complets, à la fois dans sa manière de parler et en même temps aussi de bouger comme un fou. Il y a une mobilité du jeu de Michael Keaton qui est extrêmement impressionnante, et c'est vrai que la façon dont il va incarner Batman est vraiment tout à fait passionnante, parce qu'à la fois il est vraiment une sorte de anti-héros, hein. C'est voilà, quand on le voit sortir de sa carapace, il a son corps un peu malingre, et puis c'est la carapace en fait qui est le véritable héros. Et en même temps, il peut avoir tout d'un coup des accès de folie, des accès de violence aussi. C'est un acteur qui, par son jeu, donne l'impression qu'il est incontrôlable. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment, je pense, qui a beaucoup intéressé Tim Burton personne exactement comme ensuite Johnny Depp aussi peut incarner ça. Mais d'ailleurs, la relecture que Tim Burton fait de Batman est très original à l'époque où c'est sorti, parce que dans l'inconscient collectif, Batman, on était encore sur la série des années 60 avec Adam West, Burt Ward, on était vraiment sur le Batman psychédélique, et Tim Burton convoque un Batman plus sombre, névrosé, où Bruce Wayne n'est pas extrêmement différent des gens qu'il chasse, il a les mêmes accès de folie que Jack Nicholson dans le Joker, et c'est un film qui arrive, et je pense qui a redéfini les règles du blockbuster tel qu'on le connaît aujourd'hui, Jean-Baptiste Toussaint. Oui, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu des dizaines de milliers de pétitions pour que Keaton ne soit pas le Batman, parce qu'à la base, ça devait être... Enfin, on parlait de Pierce Brosnan et de Mel Gibson. Mel Gibson était en lice pour le rôle. Donc les fans hardcore de Batman ne voulaient pas de Keaton. Et il y a encore aujourd'hui des fans qui trouvent que le Batman, enfin les Batman de Burton ne sont pas de bons Batman. C'est le cas. Il y a beaucoup de fans de Batman qui refusent l'accès à Burton aujourd'hui à la Comic-Con. Donc voilà, il y a encore des fans hardcore qui pensent que ces deux Batman sont des erreurs. Et c'est assez drôle parce que on est beaucoup à trouver qu'aujourd'hui ce sont de très très grands Batman. Et je pense que sans les Batman de Burton, il n'y aurait pas eu les Batman de Nolan, qui sont aussi très sombres. C'est justement parce que ces Batman sont différents qu'ils sont grands, voilà. C'est ça qui est intéressant avec Burton aussi, c'est qu'il peut toucher des publics extrêmement différents. Et bon, la sortie de Batman a été quelque chose qui a montré ça, c'est-à-dire qu'il était à la fois dans les plus gros succès de blockbuster et en même temps, je me souviens très bien, moi j'étais à ce moment-là dans cette revue au Cahiers du cinéma, on décide de mettre Batman en couverture des Cahiers du cinéma en septembre 89 quand le film sort. Oh là là. Et ben, il y a eu des désabonnements massifs, il y a eu des protestations, comment vous êtes vendu au système, c'est terrible. Et en même temps, je pense qu'en faisant ça, nous on était une petite équipe de jeunes critiques, hein, on était fidèles à quelque chose qui vient de très loin, oui. C'est-à-dire dans la critique française, c'est repérer à Hollywood des gens qui ont des personnalités d'auteurs, c'est ce qu'on appelle l'auteurisme, hein, et voilà, on reprenait exactement comme Truffaut avait mis en avant Hitchcock en faisant un scandale à l'époque. Ben, c'était pareil. En mettant Batman en couverture des cahiers, ça crée le scandale, quoi. Alors, rappelons quand même que le budget de Batman, c'était 35 millions de dollars et qu'il en a rapporté 500 millions. Donc, pari réussi. Alors, on fait une petite pause musicale. Tout de suite, on écoute Joe Joa et Lieutenant Nicholson avec Tous Ensemble. Tous Ensemble. Bref, cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot et Aurore Mancy pour préparer cette émission, et à la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Nicolas Cazot. Ça c'est sûr quand on est tous. C'était Jojo et Lieutenant Nicholson, tous ensemble. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. L'heure a sonné. Ce sont les noms des fils aînés des familles du Gotham. Comme moi, je le fus jadis. Et comme moi, un horrible destin les attend désormais. Ce soir, quand leurs parents s'amuseront, eux, ils feront de beaux rêves dans de jolis petits Moïse, sous des couettes bien moelleuses. Et nous, nous les kidnapperons, nous les emporterons dans les égouts et les enfouirons dans une tombe noire, profonde et boueuse. Pingouin, dis donc, tuer des gosses pendant leur sommeil, c'est pas un peu... Danny DeVito, doublé en français et incarnant le pingouin dans Batman, le défi en français, Batman Returns en VO. Donc Batman Returns, c'est le numéro 2 évidemment de la franchise Batman, qui vient juste après Edouard Romain d'Argent, dont on n'a pas encore assez parlé. Antoine Debecq, et l'historique d'Edouard Romain d'Argent. Bah, Edouard Romain d'Argent, c'est peut-être le film le plus personnel de Tim Burton avec son court métrage Vincent, hein, son court métrage d'animation. Voilà, on est devant une créature qui vient évidemment de l'enfance et qui est le double, l'alter ego de Tim Burton, hein, Edouard avec ses mains qui n'ont pas été finies par son créateur et qui sont comme ça prolongées par des ciseaux, des couteaux. Et c'est la rencontre entre Tim Burton et Johnny Depp qui deviendra son acteur fétiche. C'est une double rencontre, c'est la rencontre avec Johnny Depp, évidemment, voilà, qui... ils l'ont raconté tous les deux, hein, une sorte de coup de foudre comme ça à la cafétéria du Bellagio Hotel de Los Angeles en avril 89. Oui, ils se reconnaissent mutuellement. Hein, c'est quelque chose de très beau. Il y en a pas beaucoup comme ça des rencontres aussi importantes qui vont déterminer ensuite toute une carrière des deux côtés, hein, et qui vont déterminer aussi une image vraiment très fortement. Et puis tout ça se passe sous les auspices de Vincent Price, qui est le personnage comme ça de l'inventeur. Le créateur de la créature, hein, et qui vient, lui, alors de toute la filmographie aimée par Tim Burton, de films d'horreur. Et c'est, voilà, il y a quelque chose dans ce film qui est quelque chose qui est touché par la grâce. C'est vraiment le film sur l'enfance, c'est le film sur la propre vie de Tim Burton et qui devient une sorte de conte fantastique à la fois macabre et en même temps aussi très très beau, hein, sur ce qu'on peut faire quand on est différent. Hein, c'est quelque chose de très fort, je trouve. Burton donne aussi bien une leçon de cinéma qu'une sorte de leçon de vie, hein, finalement. Océane Zerbini, entre Batman le défi et Edouard Romain d'Argent, quelle place occupent ces deux films dans vos goûts cinématographiques? Edouard Romain d'Argent, il est troisième dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. Pour moi, c'est un des films qui parle le mieux de la cruauté de la société face aux individus différents. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve dans Batman le défi avec le pingouin, qui au fond veut juste être aimé. Et c'est ça qui me touche chez le pingouin et chez Edouard Romain d'Argent, c'est que ce sont deux êtres différents qui sont en marge, mais qui veulent juste être aimés, qui veulent vivre une existence normale. Et à la fin des deux films, en fait, on leur refuse à tous les deux cette existence. Et c'est pour ça, peut-être, que ça trouve un écho particulier chez moi. C'est qu'à la fin, il n'y a pas pour eux de happy end, parce qu'ils vont finir seuls. Ils vont finir sans l'amour de personne. Et ça, quand on voit ça à l'adolescence, c'est un peu déprimant, parce que ça forge quand même l'idée que si on est différent, on sera pas forcément aimé. Mais Burton arrive quand même à montrer la beauté derrière ces êtres pas forcément beau en apparence, mais il arrive quand même à montrer que ce sont des gens comme nous, mais qui simplement n'ont pas eu la chance d'avoir la normalité auquel tout le monde pourrait aspirer. Dedo ? Quoi donc ? Edouard Romain d'Argent, c'est aussi, une fois de plus, un film avec votre crush, Winona Ryder. Tout à fait, et qui a participé exactement à cette filmographie. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc on voit toutes les influences qui sont réunies à nouveau chez Tim Burton. Donc il a Vincent Price qui joue dans le film et qui a participé donc à Vincent le court-métrage. Et on se rend compte que ça va préfigurer de beaucoup de choses. Moi, je trouve que quand on voit Edouard aux mains d'argent, ça préfigure déjà de ce que va devenir Catwoman dans Batman le défi, dans le costume et dans tout ce que ça peut évoquer. Il y a un thème très fort chez Tim Burton qui est la cicatrice et qu'on retrouve régulièrement là-dedans. Donc qui est là pour la première fois très présent aussi après qu'il va devenir dans Frankenweenie et tout ce qu'il a pu aimer. Effectivement, c'est quelqu'un qui adorait les films de la Universal. Donc encore une fois, ça rend hommage à tout ce que ça a pu évoquer chez lui. Donc bah ça fait partie de, je pense, d'une pierre angulaire de ce qu'a été ensuite la carrière de Tim Burton. On a énormément de personnages rapiécés dans la filmographie de Tim Burton et des personnages même visuellement qui se recousent parce que ils ont été brisés et on retrouve aussi ça dans L'étrange Noël de Monsieur Jack qui n'a pas été réalisé par Burton mais supervisé par lui. Et donc il y a cette idée qu'on ne peut avancer que si on se reconstruit, si on se recompose. C'est ça l'idée, Antoine Debecq. Oui, oui, absolument. On retrouve cette sorte de généalogie comme ça de personnages, de figures. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de très très beau, par exemple, c'est de voir que ce personnage d'Edouard aux mains d'argent, qui vient de l'enfance de Burton, on va le retrouver vieilli 20 ans plus tard dans Sweeney Todd. Hein. Sweeney Todd, c'est une sorte de personnage de, c'est Edouard aux mains d'argent qui serait revenu de son exil ou de ce moment où il est chassé par la société, et il revient, c'est le même, c'est Johnny Depp, et puis il a, au lieu d'avoir des couteaux à la place des mains, il a ses rasoirs, il a cette même arme, il est devenu un monstre, mais aussi psychologiquement, comme ça, il s'est mis à détester toute la société. Donc autant le jeune Edouard voulait faire construire des belles choses pour les maisons pour lesquelles il travaille, autant le Sweeney Todd, son seul le but, c'est de détruire et de couper la gorge de ses clients. Donc c'est voilà, mais ce qui est beau chez Burton, c'est ses continuités, c'est sûr. Mais justement, à propos de détestation, parce que si on consacre un blockbuster à Tim Burton, c'est forcément qu'il est aimé, mais vous savez ce que c'est, les goûts, tout ça. Et Tim Burton, bah il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a effectivement une plastique absolument éblouissante, c'est superbe, il y a des décors, des costumes, des lumières magnifiques, mais on regarde ça un peu comme, je sais pas, une peinture animée, mais on ne vibre pas. Non, le problème, ce sont les effets spéciaux, hélas. Il y a une espèce de bataille interminable là, dans un parc d'attractions avec des squelettes, des fantômes à moitié invisibles, et ça, c'est mortel d'ennui. Alors qu'il arrête, que c'est pas de la poésie, ça, c'est de la technologie. En plus, c'est pas si bien fait que ça. Le sujet est très intéressant, mais le film ne l'est pas, parce que Tim Burton ne s'y intéresse pas. C'est quand même assez laid, on se croirait dans un très long clip pour Eram, comme en tournait Châtillès dans les années 80. Là, ça n'est pas la peine de dépenser plus. Et c'est exactement ce qu'on pense, parce que où est passé tout cet argent, tout ça pour ça. Je n'aime pas Burton, qui pour moi était devenu le... avec sa mollesse, un peu le Wim Wenders du gore. Oh non, je trouve ça très nonchalant, complaisant, ça se liquéfie au fur et à mesure. C'est bizarre parce qu'on se demande s'il n'y a pas chez lui une incapacité à parler d'une histoire sérieuse, d'une histoire adulte, si c'est pas toujours des faux fuyants. Ça n'en finit pas, tout est téléphoné, il y a ce dragon qui arrive tout d'un coup comme dans Narnia ou les videogames. C'est très curieux, et puis Johnny Depp en fait une fois de plus des tonnes, on n'en peut plus. L'histoire, moi je m'en suis désintéressé très vite, cette enquête sur le cavalier sans tête... Je sais pas, on n'y croit pas vraiment, quoi. Effectivement, c'est pas très habité. Je ne suis pas sûr que Burton y croit lui-même. J'avais vraiment envie de m'enfuir, et j'ai lu que Tim Burton allait tourner bientôt la Belle au Bois Dormant. Ben, c'est nous qu'il faut réveiller à la fin du film. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc Tim Burton ne parle pas à tout le monde, on s'en est rendu compte avec nos amis évidemment du Masque et la Plume. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un tournant dans la carrière de Tim Burton. On peut pas revenir sur tous les films brillants qu'il a réalisés, mais il y a eu Sleepy Hollow, également L'étrange Noël de Monsieur Jack, on l'a évoqué, et puis il y a eu Big Fish. Et pour moi, Big Fish, c'est... Alors peut-être que vous allez me confirmer ou m'affirmer, mais j'ai un peu l'impression que c'est le film... testament de Tim Burton. C'est-à-dire, c'est le moment où il sort de sa filmographie en disant « Ok, j'ai grandi, je sais que je raconte des histoires et il l'incarne à l'écran. » Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Moi, quand j'ai vu le film, je me suis vraiment dit « Tiens, il est en train de parler de son rapport à la création et au passage à l'âge adulte. » Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment son film de l'introspection. C'est un film où on sent quand même l'angoissé à l'idée de savoir qu'est-ce qu'il va laisser en héritage. Donc c'est pour ça que même si je suis pas la plus grande fan du film, je le trouve assez douteux dans sa romance, qui vire un petit peu au harcèlement sur la fin. Mais je trouve que ça reste quand même un film très touchant, parce que même, je trouve que c'est vraiment là où Burton se dit, bon, je vais me poser, je vais regarder en arrière pour la première fois, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux faire ensuite. Donc la réponse n'est pas des plus optimistes, mais je trouve que ça reste quand même un film très touchant sur la notion d'héritage et de qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et qu'est-ce que nos enfants vont retenir de nous. Et ça, c'est un thème qui est très important, et je pense encore plus quand on est parents, j'imagine. Et il y a aussi toute une série de déconvenues qui l'ont frappé. Alors personnellement, il s'est séparé, il a aussi eu le décès de son père, mais il y a également un projet avorté dans lequel il s'était énormément investi et dont on n'a pas parlé, c'est Superman Lives, c'est-à-dire qu'on est passé à côté d'une relecture de Superman par Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Dedo ? Oui, bah je suis pas certain que ce fût une bonne idée si jamais ça avait existé personnellement. Rien que pour voir les implants sur la tête de Nicolas Cage, j'aurais aimé voir ça. Pour ceux que ça intéresse, on peut voir justement les essais de costumes à l'époque, c'est assez particulier. Oui, effectivement, je pense qu'il y a eu une vraie fracture dans sa carrière, qui pour moi date de la Planète des Singes, qui commençait déjà, même si on continue d'être dans son cinéma et dans ses thèmes favoris, assez douteux dans ce que ça peut évoquer artistiquement. Big Fish est un joli film, mais je trouve qu'on commence déjà, ce qui pour moi est devenu le défaut récurrent ensuite de Tim Burton, dans quelque chose d'assez pathos, qu'il n'avait pas du tout avant. Et pour moi, c'était quelqu'un qui savait très bien traiter justement ce sentiment-là de nostalgie. Là, on tombe tout de suite dans quelque chose d'un peu trop pathos, qui me touche moins. Et ça, ensuite... Moi, je pense que... Je disais ça au départ, je pense que ça joue, le fait d'avoir des enfants fait que derrière on n'a plus les mêmes choix, et ça s'est senti d'ailleurs, c'est intéressant, chez Johnny Depp, de la même manière qu'il a lui-même avoué, à partir du moment où il a eu des enfants, il a commencé à dire qu'il voulait faire des films pour ses enfants, et il a commencé à avoir une deuxième partie de carrière qui était beaucoup moins intéressante de mon point de vue que la première. D'accord, donc ça c'est une bonne leçon, si vous voulez réussir vos films, ne faites pas de gosses. Je pense. Bon, dans quelques instants on va jouer avec un auditeur, mais avant cela on va se mettre la patate, c'est quand même le début de la programmation estivale, on écoute Lizzo avec Juice. C'était Lizzo qui nous interprétait Juice et maintenant on joue. Attention qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Alice au téléphone. Bonjour Alice. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? De Tulle. De Tulle. Ah, oh, Tulle. On connaissait quelqu'un qui connaissait bien Tulle. Voilà, voilà. Il nous c'était a fait... le A Tulle le moins sincère du monde. Ah, bah non, mais Tulle, forcément, Tulle. Ça convainc quelle des trucs. Belle ville avec je un pense que même les habitants de Tulle, ils se disent, ah non, ça, bah, c'est la ville d'un grand auteur de blockbuster, Éric Rohmer. Ah oui, eh ben voilà, vous saviez. Éric Rohmer et blockbuster en association, c'est intéressant. Alors, quel est votre film de Tim Burton préféré, Alice? Ah, je pense que c'est Big Fish. Big Fish. Ah, bah voilà, ouais. Voilà. Ouais. Et vous sauriez expliquer pourquoi, j'imagine? Ah, je sais pas, je trouve que c'est un beau poème. C'est ouais, une jolie histoire qui est racontée. Voilà. Tu vois, Dedo, il y a des gens qui ont une âme. Ben oui, mais Die Hard aussi, c'est un beau poème, quelque part. Alors, on va jouer. Vous allez devoir répondre à trois questions, Alice, en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Ok. Ok ? C'est parti. Si je vous donne le chiffre 8, ça correspond au nombre de collaborations de Tim Burton avec réponse A, Helena Bonham Carter, réponse B, Johnny Depp, ou réponse C, Michael Keaton. Johnny Depp. Oh là là là là là là là, mais c'est une très bonne réponse. Effectivement, Johnny Depp a tourné 8 fois avec Tim Burton pour Edouard aux mains d'argent, Ed Wood, Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie, Les Noces funèbres, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles et Dark Shadows. Helena Bonham Carter, elle a fait 7 films avec Tim Burton et Michael Keaton, seulement 4. Question suivante. Tim Burton a commencé sa carrière chez Walt Disney. Il a travaillé sur 2 films Disney. Lesquels? Taram et le chaudron magique et... Rocky. Oh, po, po, po, po, po, po. Alice is on fire. Eh ben oui, c'est une autre bonne réponse. Là, je pense que vraiment, vous êtes bien parti. Mais il reste néanmoins la dernière étape, la dernière épreuve. Alice, vous êtes prête? Oui. Vous inquiétez pas, je suis là, je vous soutiens. Voilà, tous les experts sont là avec vous. On va vous diffuser une musique. Écoutez bien. Alors, dans quel film de Tim Burton peut-on entendre cette musique? C'est Les Noces funèbres. Bim! Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo Alice, vous avez gagné 2 livres sur Tim Burton, celui de notre invité, Antoine Debecq, et celui d'Aurélien Ferenzi, tous les deux parus chez Les Cahiers du Cinéma. Ah yes, trop bien. Voilà, bah, ravi de vous avoir eu avec nous pour cette émission, et bravo à vous encore. Mais merci. Au revoir Alice. Au revoir. Alors, mes chers invités, on approche de la fin de l'émission, mais j'aurais envie de vous poser une dernière question rapidement sur l'avenir de Tim Burton. Est-ce que, basiquement, ses plus gros succès sont derrière lui? On a vu que le film qui a le plus marché commercialement, c'est Alice au pays des merveilles. Ouh. Oui, voilà, Dedo n'aime pas Alice au pays des merveilles. Ouais. Est-ce que il va y avoir un renouveau ou est-ce qu'on est vraiment sur un âge d'or qui s'est achevé? Jean-Baptiste Toussaint, Antoine Debecq, Océane Zerbini, Dedo. Moi, personnellement, je pense qu'il est encore, un peu jeune pour s'arrêter. Je pense qu'il y aura encore un grand film de Tim Burton. Pour moi, c'est un type qui a une patte tellement singulière et c'est tellement rare dans l'univers hollywoodien que ça ne fait aucun doute pour moi qu'il sortira encore un grand film. Océane Zerbini? Je pense qu'au cinéma, peut-être qu'il devrait prendre une pause, vraiment se poser. Et je me dis, pourquoi pas essayer de se mettre aux séries? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de réalisateurs s'y mettent pour se renouveler. Et on voit que ça fonctionne pas mal pour certains. Donc je me dis, pourquoi pas c'est bête à dire, mais même un grand du streaming comme Netflix ou même Amazon pour essayer de l'intéresser avec une série, donc soit en animation, soit en live action. Mais je serais tentée à l'idée de voir Burton sur une série pour voir s'il peut essayer de se renouveler sur un format différent d'un film. Antoine Debecq? Moi, je pense que le principal allié de Burton, maintenant, c'est la vieillesse. Et donc, je fais très confiance Je pense qu'en gros, Burton a toujours fait le même film. Hein. Il a cet univers depuis l'enfance et il l'aura jusqu'au bout. Mais je pense que voilà, il va y avoir une sorte de phénomène de décantation qui va faire qu'il va aller de plus en plus à l'essentiel. Et c'est ça qui peut lui permettre de lutter contre ce qu'on lui impose, c'est-à-dire le studio et notamment Disney, quoi.